recule sous un ciel de fer. Ride est-ce qu'il avance, aucun repère à faire. Des déserts aux cités, le chaos l'accompagne. Chaque pas trace l'histoire, chaque souffle sa campagne. Chaque faille détectée, chaque affrontement, chaque victoire assurée. La nuit s'allonge, mais la force ne faiblit pas. Raider ce qu'il avance, la maîtrise en loi. Chaque environnement, chaque jeu, une danse coordonnée. Chaque action résonne. Chaque nom est gravé. Avance.